Il était une fois, ou il y a très longtemps, dans un lointain pays du mystérieux Orient, un pauvre orphelin nommé Aladdin. Où Aladdin n'était pas des plus courageux, il faut bien l'avouer. L'école, pour lui, était une corvée dont il serait bien passé, mais que voulez-vous? Les enfants doivent y aller, n'est-ce pas? Un beau jour, alors qu'il faisait justement l'école buissonnière, ce qui était son occupation favorite, il aperçut soudain un étrange personnage qui le regardait fixement en se grattant le menton. « Par Allah, n'es-tu pas le fils du tailleur Mustapha ?»« Si, mais mon père est... Et le pauvre est mort depuis longtemps. Il a rejoint le royaume des cieux. » À son âme. N'êtes-vous pas mon oncle? Il me semble vous reconnaître. Un air de famille, peut-être. Comme tu dis, mort, hélas! Tu es un bon petit. Tu viens par courtoisie et bon usage de m'appeler mon oncle. Tu ne croyais pas si bien dire. Ton père, Mustapha, était mon frère. Oh! Aladdin, qui était un peu naïf, crut aussitôt que l'homme qui était face à lui était bien le frère de son propre père. Hélas, trois fois hélas, il s'agissait là d'un menteur professionnel, autant dire d'un imposteur. Comme tu lui ressembles! J'aimerais que tu me conduises à ta mère. Depuis bien longtemps, j'ai des choses importantes à lui dire. Et puisque je t'ai rencontré, c'est le moment ou jamais. Et le jeune Aladdin, tout heureux de se découvrir un oncle dont il n'avait jamais entendu parler, obéit bien volontiers. Et tout content de servir enfin à quelque chose, conduisit l'homme jusqu'à son humble demeure. À peine arrivé, le faux oncle tomba dans les bras de sa fausse belle-sœur. « Ma chère belle-sœur, si vous ne m'avez point vu tout le temps que vous étiez mariée à mon cher frère Mustapha, c'est qu'il y a 40 ans que je réside au fin fond de l'Afrique. Mes affaires m'y occupaient et je n'ai pas une minute à moi. » « Oh, mais je comprends. Je sais ce qu'est le travail. » « Hélas, aujourd'hui que je reviens sur la terre de mes ancêtres, c'est pour apprendre la mort de mon frère tant aimé. » La nouvelle est bien triste. La mort fait partie de la vie. Il faut bien s'y soumettre. Mais j'ai reconnu ces traits dans le visage de votre fils, mon neveu, et je veux faire sa fortune. À ces mots, Aladdin rougit comme une tomate. Mon oncle! La pauvre veuve, qui avait bien du mal à élever son fils seul, crut bon de lui répondre. Ô vénérable entre les vénérables, comme tu es bon. Je te baise les mains ainsi que les pieds. Or, cet oncle n'en était pas un, vous le savez. C'était un magicien doué de pouvoirs maléfiques. Et du fin fond de l'Afrique, il avait connu, par géomancie, chiromancie, astrologie et autres sorcelleries, qu'il pourrait accéder à la toute-puissance en réduisant d'abord Aladdin à l'obéissance. Il emmena le garçon hors de la ville, commençant ainsi à exécuter le grand projet qui lui avait fait entreprendre un aussi long et périlleux voyage. Mon oncle, où est-ce qu'on va? C'est que j'ai mal aux pieds, moi. Allons, avance! Veux-tu devenir riche? Alors fais un peu d'effort. Nous allons dans cette vallée sauvage que tu vois là-bas au loin, à l'endroit même où se trouve l'entrée du centre de la terre et où sont renfermés les plus grands trésors du monde. Le plus grand trésor du monde? Si tu m'obéis en tout, Aladdin, nous détiendrons tous deux la puissance et la richesse. Si tu me désobéis une seule fois, tu m'entends bien une seule fois? Jamais. C'est juré promis. Hein. Je serai dissous dans la mort. Mais sois bien certain que je veillerai à ce que la mort te prenne aussi en même temps que moi. À mon oncle, je vous obéirai. Et j'irai au bout du monde pour vous servir. C'est bien. À présent, regarde. Avec ces quelques brindilles, j'allume un feu. Je répands dessus de l'encens. J'invoque les puissances du ciel et de l'enfer. Et je dis une formule magique. Hala fer arabel suki tado tuftala tataoul tala tatin tanzana mel cruz kisnum. Ces syllabes magiques étaient tellement terribles. Alors, Aladdin, stupéfait, vit apparaître à ses pieds une dalle de pierre surmontée d'une énorme poignée d'acier. Aladdin, mon neveu, il n'y a que toi au monde qui a l'autorisation de toucher à cette pierre. Soulève-la, je vais t'en donner la force. Vois, elle recouvre l'entrée d'un souterrain. Aladdin, il n'y a que toi au monde à qui il soit permis d'y pénétrer. Obéis-moi. Tu as été désigné par les dieux. Aladdin n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Il laissa échapper un murmure admiratif. Oh! Oh! Ne crains rien. Tu descendras des marches. Tu trouveras en bas une porte. Elle s'ouvrira. Tu traverseras des salles splendides remplies de trésors, en argent, en diamants et en or. Allons, fais ce que je te dis, suis ma voix, je reste ici. Aladdin descendit donc les marches. Effectivement, il passa devant des tonnes de trésors incroyables, mais respecta ce que son oncle lui avait dit. Il ne toucha à rien. Surtout ne touche à rien. Puis tu vas bientôt te trouver dans un extraordinaire jardin. Tu le vois? Oui, oui. Ah, oh, oh, oh, ces arbres. Si vous les voyez, ils sont magnifiques. Ce sont des arbres portant des fruits éclatants, n'est-ce pas? Ah, c'est joli, tous ces gros fruits. Ils sont verts, brillants et... Et même qu'il y en a de toutes les couleurs. Ce sont des joyaux de la plus grande valeur. Rubis, émeraudes, perles, turquoises, améthystes, saphirs. Tous d'une taille et d'une qualité jamais égalées. Mais avant d'en cueillir autant que tu pourrais en emporter, tu dois trouver une certaine petite lampe d'apparence tout ordinaire. Aladdin se mit à chercher. Il courut d'un arbre à l'autre, mais rien. Soudain, au pied d'un arbuste, à peine plus grand que lui, il l'aperçut enfin. Ah, la voici! Je crois que c'est ça! C'est cette lampe qu'il faut que tu me rapportes! Tu m'entends? Bon, je prends la lampe. Et puis, par la même occasion, je remplis mes poches de quelques belles pierres et de quelques pièces d'or. C'est ma pauvre maman qui va être contente. Et maintenant, je remonte? Oui, tu peux remonter avec la lampe. Lorsqu'Aladdin parvint à l'entrée du caveau, le magicien ne se tenait plus d'impatience. La lampe, donne-moi la lampe. À mon oncle, aidez-moi d'abord à sortir. Je suis tellement chargé. Donne-moi cette lampe immédiatement. Non. Non, non, mon oncle. Pas avant d'être dehors. Ah, insensé enfant, tu me désobéis. Je me dissous dans la mort. Reste donc à jamais dans ce souterrain et que la mort te prenne aussi. Sois damné à jamais. Dans ses derniers instants, ivre de colère, l'horrible magicien avait refermé la lourde dalle. Et le pauvre Aladdin se trouva donc prisonnier dans l'obscurité du souterrain. Deux jours se passèrent ainsi, et Aladdin, sanglotant, regrettant d'avoir désobéi au magicien, mourait de peur et de faim. Ce fut en manipulant machinalement les objets dont il avait rempli ses poches qu'il frotta, par pur hasard, la lampe que le magicien lui avait commandé de ramener. Et là... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Il y eut alors instantanément, dans la caverne, une intense clarté et un génie d'une taille immense apparut devant Aladdin, épouvanté. Un génie, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Une sorte de bonhomme transparent. Pas un fantôme, non, non, non, un génie. Prêt à être à votre service et à exaucer tous vos vœux. Je suis le génie de la lampe merveilleuse. Je suis enfermé dans cette lampe depuis bientôt 6 siècles. Et j'ai juré que celui qui me délivrerait deviendrait mon maître et que j'accomplirai tout ce qu'il me demandera. Ainsi, je viens à ton appel, ô mon maître. Dis-moi quel est ton désir, et je l'accomplirai. Monsieur le génie, si seulement vous pouviez me ramener dans ma maison, je serais bien heureux, et ma maman aussi. J'écoute et j'obéis. En un instant, la lourde dalle qui bloquait l'entrée du souterrain se souleva comme un bouchon. Et Aladdin se sentit aspiré comme une feuille dans le vent vers les airs. Avant qu'il puisse réaliser ce qui lui arrivait, il se trouva dans sa maison misérable devant sa mère. Il serra si fort dans ses bras sa mère qu'il faillit l'étouffer. Oh, ma maman, ma maman. Oh, mon fils, Allah est grand. Il me rend mon fils bien-aimé. Mais où étais-tu donc passé avec ton oncle? Voilà des jours et des jours que j'attends après vous. Cet oncle n'était pas mon oncle. C'était un misérable personnage qui nous a trompés. Ce n'était pas le frère de papa. À cet instant, Aladdin plongea ses mains dans ses poches et étala sur la table le contenu. Maman, maman, regarde ce que je ramène. Sa mère ouvrit grand ses yeux. Elle n'avait jamais vu cela de toute sa vie. Elle laissa échapper une exclamation qui résonna dans la pièce. Oh! Et il étala devant sa mère éblouie les pièces d'or et les joyaux dont il avait rempli ses poches. À l'âge de 20 ans, Aladdin était devenu un beau jeune homme, resplendissant comme la lune montante. Un jour, alors qu'il se promenait, il vit, à l'heure de la prière, passer dans sa rue le cortège de la fille du sultan. Les rideaux de la chaise à porteurs où se trouvait cette princesse s'étant écartés un moment, Aladdin fut émerveillé par sa beauté. Cette jeune fille lui parut splendide et lumineuse, à l'égal du soleil de l'aurore. Son éclatante beauté fut pour lui comme un signal, comme un éclair, comme un éblouissement. Il rentra chez lui en toute hâte. Enfin, je veux dire là, somptueuse villa qu'il avait fait construire et où il résidait désormais. Oh, ma mère, je ne peux retenir les soupirs de mon cœur. Je viens de voir la jeune fille la plus belle que mes yeux m'aient donné de voir. Ah, comme je souhaiterais l'épouser. Oh, Allah soit loué dans sa puissance et dans sa gloire, mon enfant. Mais qui est-ce? La princesse Badr el-Boudour. La fille de notre sultan? As-tu perdu la tête, mon fils? Si je ne l'épouse pas, je crois que je mourrai, car elle est le délice de mes yeux et la liesse de mon cœur. Si la mère d'Aladin avait été un homme, elle se serait arraché la barbe à deux mains, mais voilà, c'était une femme, sans barbe. Oh, je vous demande, oh ma mère, de vous rendre au palais et de faire ma demande au sultan. Et selon l'usage, vous lui offrirez ce présent. C'était une mirifique coupe en or massif dans laquelle il avait disposé des pierres précieuses qu'il avait récoltées naguère et qui lui restaient encore dans le jardin merveilleux. En vérité, c'était un présent digne d'un roi ou d'Allah le miséricordieux. Morte de peur, la mère qui aimait par-dessus tout son fils alla donc au palais du sultan et sollicita une audience qui, comme par miracle, lui fut accordée. Monarque, au-dessus de tous les monarques du monde, mon fils Aladdin se prosterne à vos pieds et prie humblement votre majesté d'agréer ce modeste témoignage de son infini respect. Oh, Yassalam, oh, que c'est beau! Oh, mais que c'est riche! Oh, jamais on n'a rien vu d'aussi beau! Oh, et d'aussi riche! Et d'aussi beau! Hein. Et d'aussi riche! Nous acceptons avec grand plaisir ce présent. Ô femme, y a-t-il une grâce que je puisse accorder à ton fils? Hélas, sérénissime commandeur des croyants, grande est son audace. Il n'a d'autre souhait que d'épouser la princesse Badr el-Boudour. Quoi? Si le sultan n'avait pas été ébloui par la somptuosité du cadeau, il aurait ri jusqu'à en tomber sur le dos. Mais il suivit plutôt le conseil que lui glissa le grand vizir à l'oreille et il déclara « Il faudrait d'abord que vous m'apportiez 40 autres coupes pareilles à celle-ci, remplies à ras-bord de joyaux. » Encore plus beau, et ensuite, Inch'Allah, nous réfléchirons. La mère d'Aladin soulagée rentra à la maison et répéta à son fils l'exigence du sultan, bien persuadé qu'il en serait découragé. Qu'à cela ne tienne, ma mère. Je ferai ce qu'il a demandé. Il se retira dans sa chambre. Au fond de son armoire, il sortit un petit coffret en argent où il avait rangé soigneusement la lampe merveilleuse. Il la prit entre ses mains et la frotta comme au bon vieux temps. Oh, je suis le génie de la lampe merveilleuse. Bien content de sortir de là-dedans. Oh, je sais, génie. Bon génie. J'ai encore besoin de toi et de tes pouvoirs. Mais s'il te plaît, apporte-moi 40 coupes semblables à la première. Toutes remplies de bijoux. Encore plus beau. Voilà deux fois que tu me délivres. Je ferai donc ce que tu demandes. J'écoute et j'obéis. Un instant plus tard, un cortège composé de 40 esclaves noirs de toute beauté, vêtus de soie chamarrée, chacun portant sur la tête une coupe en or massif dans laquelle étaient amassées des pierres encore plus extraordinaires que les premières, se dirigeait vers le palais, accompagné par une foule de spectateurs délirants de bonheur. Le sultan ne tergiversa plus. Il ne pensa pas même à s'informer si Aladdin possédait les autres qualités convenables nécessaires au mariage de sa fille, et il envoya la chercher. Dès que la princesse posa sur Aladdin ses yeux de velours, elle ressentit un frisson au-delà de la joie. Son cœur emporté par le bonheur s'émut de tendresse pour un jeune homme aussi beau, aussi aimable, aussi parfait, qui avait mis tant de zèle à mériter son amour. Il ne fallut pas plus de 3 jours pour organiser les noces qui furent célébrées dans tout le royaume. On y festoya, on mangea à sa faim, et Aladdin fut fait prince. Ainsi, sa princesse et lui vécurent heureux longtemps et eurent de merveilleux enfants. Aladdin conserva toute sa vie sa lampe. De temps à autre, il faisait sortir le génie de celle-ci sans rien lui demander en retour, juste pour que celui-ci puisse dégourdir un peu les jambes.